Merci, merci Colette. Justement, je ne vais pas du tout parler de mes travaux importants, mais des petits objets, des petites productions en marge du monde académique finalement, puisque le sujet que j'avais choisi de proposer, c'était la question de la transmission. Et on a commencé à l'aborder ce matin, mais d'une manière un peu théorique, épistémologique. Moi, je vais l'aborder finalement en amenant des tas de trucs qui sont, entre autres, le résultat de mes productions, mais alors pas du tout de ce qu'on mettrait dans un dossier de recherche finalement, pas des articles dans des revues savantes, pas des productions très académiques. Donc avant, je vais dire mon grand plaisir de participer à ce séminaire transversal. Un séminaire transversal, c'est pour moi, comme je pense pour vous tous, un espace de réflexion, mais aussi de partage d'expériences, en fait, entre chercheurs. Et j'ai grand plaisir de le faire autour de Pierre Laborie, puisque ça a été mon prof et mon directeur de recherche, et qu'il nous a appris, parce que ça a toujours été sa pratique, d'être extrêmement soucieux de soumettre nos approches d'historien, notre travail concret à une exigence auto-réflexive et au doute, parce que quand on travaille sous ta direction, Pierre, évidemment, on finit par se poser beaucoup de questions. Et donc, tu disais tout à l'heure que l'idée de cette première journée était venue d'échanges, de quelques échanges qu'on a eus. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'il fallait que ces moments-là, ce séminaire, soient l'occasion d'un partage entre chercheurs venant de champs très différents. Bon, ça, on l'a vu jusqu'à présent, je crois. Et on a vu aussi comment ces champs, finalement, pouvaient se répondre et parfois rencontrer des difficultés ou traverser des enjeux, finalement, si ce n'est similaires, en tout cas comparables. Mais que cette journée devait être un atelier de travail. Donc, ma communication, je l'ai conçue vraiment comme ça. D'où mon effarement un peu ce matin quand j'ai vu le niveau d'exigence dans lequel nous mettait la première communication magistrale, je dois dire. Mais moi, je l'ai conçue comme une communication moins académique, plutôt comme l'ouverture sur les coulisses d'un historien au travail, les coulisses concrètes d'une pratique d'une historienne moi-même, d'où le titre qui était « Témoignage d'une historienne ». De l'immigration. Donc ce mot de témoignage, il est intéressant finalement, parce que ça aussi on en a parlé ce matin, ça montre l'ambivalence de la posture. Je réfléchis un peu comme une historienne sur la pratique, mais finalement c'est un témoignage, et je suis un témoin parmi les autres, pris dans sa subjectivité, dans ses œillères, dans ses reconstructions, etc. Et c'est surtout ça que je vais essayer de partager avec vous. Donc moins dans une posture d'affirmation, mais pour faire état de questionnement, et parfois de ce que Sophie Duluc a appelé ce matin très justement des contorsions. Je t'avoue, Sophie, que j'en ai aussi ressenti beaucoup depuis quelques années. D'où finalement l'idée de fournir une sorte d'aperçu de terrain avec des productions, des pratiques qui ont été les miennes aux marges finalement de l'univers académique. D'où un empirisme que vous trouverez peut-être parfois un peu naïf de cette communication, mais bon, tant pis, c'est pour prêter à discussion. Alors, en même temps, bien des thèmes recoupent finalement la contribution donc éclairante, très éclairante de Christian Delacroix ce matin, qui a fourni un cadre d'analyse épistémologique à mes interrogations à ras de terre. En fait, à l'écouter, très souvent, je me suis dit « Ah, mais oui, finalement, ce que je voulais aborder, c'est précisément ça. Qu'est-ce qu'il le dit bien ?» Bon, alors, je me réfugierai souvent derrière lui. Alors, mon propos est donc axé sur la question de la transmission. Alors, ce qui rejoint, bien sûr, la question de l'écriture de l'histoire, dont on a beaucoup parlé ce matin et qui est un des grands axes de ce séminaire, discours, narrativité, fiction, d'autres en parleront mieux que moi. Mais moi, je voulais surtout l'aborder sous l'angle de la diffusion, hors du champ académique, justement, du travail, des résultats, des historiens. Mais qui dit diffusion hors du champ académique, dit aussi médiation, transformation, finalement, à la fois des supports, mais aussi, éventuellement, jusqu'à un certain point, des discours. Autrement dit, poser la question des lieux, ça aussi, ça a été évoqué dans ton introduction, je crois, Pierre, où ça peut se produire, ces moments de transfert, de transmission, d'adaptation, selon quel dispositif, quel support. Parce que oui, il y a le livre, mais il y a bien d'autres choses aujourd'hui que le livre. Et puis, il y a plusieurs types de livres qui n'ont pas le même statut, pas les mêmes modes de production. Et aussi la question des partenariats, parce que finalement, l'historien dans sa tour d'ivoire, ça peut être vrai encore, mais c'est largement fini. Les pratiques des historiens sont souvent maintenant des pratiques d'équipe, sur des projets collectifs, etc. C'est aussi une évolution qui est imposée par les modes de financement de la recherche. Mais cette idée de collectif au travail, ça peut aussi être hors du champ alors là encore, universitaire, académique, avec d'autres partenariats. Qui d'autre? Eh bien, c'est à voir. Des associations, des artistes, des historiens non universitaires, etc., etc. Enfin, autant de choses que j'essaierai d'aborder un petit peu. Bref, vous voyez, cette introduction un peu longue pour vous dire que j'espère, grâce à ces quelques éléments vraiment très factuels et concrets, rejoindre un petit peu l'appel de Christian Delacroix à une approche sociologique du métier d'historien. C'est-à-dire pas simplement comment on écrit l'histoire, comment on la pense, mais aussi comment on la pratique dans l'université, mais, et c'est de ça dont je vais parler aussi, aux marges, au dehors, aux confins de l'univers académique. Voilà, alors, excusez par avance, du coup, l'aspect un peu dérisoirement égo-historique ou égotiste même de ma contribution, parce que je vais partir vraiment de mon approche et de ce que j'ai fait, d'un certain nombre de choses. Ce minuscule observatoire de mon parcours personnel, malgré tout, à travers les sollicitations, quelquefois les malentendus, la visibilité parfois totalement intempestive que j'ai rencontrée, fournissent, je pense, un certain nombre d'enseignements très intéressants à tirer. Voilà, bref, j'espère livrer quelques moments et configurations à votre analyse collective. Et surtout parce que je n'ai pas toujours eu l'impression de savoir faire face moi-même avec la bonne attitude ou la bonne posture ou les bons choix à ce genre de choses et pas toujours avec la perspicacité nécessaire. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais aborder, c'est dans mon parcours personnel finalement, mon entrée dans l'histoire universitaire professionnelle s'est faite au moment justement de la guerre des mémoires, en plein directement dans le grand bain de la guerre des mémoires, et ça immédiatement évidemment je me suis retrouvée confrontée à l'enjeu des demandes sociales très fortes, retentissantes je dirais, qui se tournaient vers l'histoire, demandes à la fois positives hein, pour apprendre quelque chose de l'histoire, attendre quelque chose de l'histoire, mais aussi extrêmement critique, revendicatrice, voire polémique. Et aussi immédiatement confrontée à la question de la réception du travail des historiens, c'est-à-dire que c'est un champ d'études où il s'est révélé très difficile de ne pas prendre en charge ce problème de quelle est la réception de notre travail. Finalement, nous produisons des discours, nous produisons des récits à partir d'une méthodologie, etc. Mais en même temps, comment se l'approprient finalement les gens à qui on parle, les différents publics, et donc évidemment la question des représentations qui circulent à propos de l'histoire, des historiens professionnels, des universitaires avec beaucoup d'effets de miroir, et bien sûr aussi aux quêtes et aux requêtes mémorielles qui n'ont cessé de circuler concernant ce domaine des migrations et de l'immigration en France. Et entrer dans ce champ de recherche à ce moment-là, hein, puisque je rappelle que ma thèse est ancienne, j'ai soutenu en 1997, publié au PUM en 2002. J'ai eu un parcours ensuite, varié, dans des milieux sociaux inférieurs. Et ce qui m'a, bon, ce qui aussi finalement explique après un certain nombre de choix dans le fait de collaborer à des choses extra-universitaires, sans aucun doute. Mais quand je suis entrée en post-doctorat au laboratoire Framespa, c'était fin 2004, à la rentrée, enfin septembre 2004, et 2005, c'est ce qui a été appelé l'année du choc des mémoires. Donc vous voyez, c'est de cette manière-là vraiment que je suis rentrée dans la carrière, si on peut dire ça. D'où le fait aussi que ça m'a tout de suite confrontée au choix, mais ce n'est pas toujours un choix et pas toujours aussi tranché, entre ce que ce matin Christian Delacroix décrivait comme la posture de l'historien dégagé ou engagé, hein, bon, même si les deux termes sont piégeux, d'une histoire comme simple objectivation, hein, se plaçant du côté de la science, voire de la vérité, même si l'objectivation elle-même n'est jamais simple, c'est un travail, un processus complexe, ou d'une histoire prenant en charge des enjeux politiques, et surtout se pensant elle-même comme un des éléments des interactions complexes sur les usages du passé dans une société. C'est-à-dire une histoire qui n'est pas à part de ces interactions, qui n'est pas surplombante par rapport à ces interactions, mais qui s'y trouve mêlée de facto pour le meilleur et pour le pire, et qui s'y transforme aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous oblige à une réflexion sur nos pratiques. Bon. Alors, pour rappeler juste quelques éléments par rapport à ça, pour rafraîchir les mémoires, mais même si finalement Christian Delacroix en a parlé pas mal ce matin, mais je serais peut-être un peu plus précise, enfin, moins elliptique que lui, parce que beaucoup moins théoricienne. Bien sûr, ce choc des mémoires, il n'est pas en 2005. Hein, ça avait été le titre d'un article du Monde après moult articles, moult médiatisations. Vous vous souvenez, hein, l'année du choc des mémoires. Bon, ce choc des mémoires, il n'est pas venu de rien. En fait, là encore, c'est un long processus de montée en puissance de la thématique de la mémoire, comme il l'a été dit ce matin, de ce contexte d'inflation mémorielle dans le champ social depuis une trentaine d'années, qui a aussi contribué à faire basculer le régime d'historicité dans lequel on se trouve, le rapport au passé plus largement, et le rôle qu'il peut jouer dans notre construction du temps présent. Alors, bien sûr, cette nouvelle approche par la mémoire, cette montée en puissance des mémoires, elle s'est faite conjointement, finalement, à la construction du champ historiographique de l'histoire de l'immigration. C'est allé de pair. Hein. Si on reprend, maintenant, il y a pas mal d'analyses historiographiques qui ont été faites sur l'immigration, enfin, sur l'histoire de l'immigration en France. On peut poser comme jalon emblématique l'article souvent cité de Gérard Noiriel, Une histoire en friche, en 1986. En vérité, elle n'était pas vraiment en friche. Il y avait beaucoup de production souterraine, mais qui n'était pas encore visible du grand public, ni même vraiment qui s'était pas fait une grande place encore dans la sphère académique, mais beaucoup de thèses étaient en cours ou abouties, pas encore publiées. Donc, en fait, les choses étaient déjà en travail dans les années 80. Mais bon, retenons cette formule, une histoire en friche. Et ensuite, les choses sont allées très très vite, finalement, puisque ont suivi toute une génération de grands chercheurs. Bon, on va pas citer des noms, hein, mais enfin, oui. On pourra en citer quelques-uns, Marie-Claude Blanchard-Léard, Pierre Milza, Benjamin Stora, etc., etc., Jeannine Ponty, voilà. Qui fait que finalement, dès la fin des années 90, on a déjà une sorte de maturation de ce champ de recherche, avec des ouvrages grand public, avec des synthèses historiographiques, avec des condensés pour les étudiants, des travaux de vulgarisation, etc., etc. Donc vraiment, cette demande sociale a abouti à une constitution rapide de ce champ de recherche. On peut citer comme révélateur aussi le fait que les rendez-vous de l'histoire de Blois en 2002 étaient consacrés au thème de l'étranger, ou que la revue Historien et Géographe est consacrée en 2003-2004 trois numéros spéciaux à la question de l'immigration. Donc ça aussi, c'est assez révélateur d'un moment où, dans le secondaire aussi, ces questionnements arrivent à intéresser. Bon, en même temps, si on reprend les lieux de mémoire de Pierre Nora, on voit que l'article qui est consacré à l'immigration, qui a été rédigé par Noiriel, dans les années 90, considère encore que l'immigration est restée du côté des mémoires privées et n'est pas encore entrée dans des mémoires collectives portées comme des lieux de mémoire, qu'ils soient incarnés matériellement ou qu'ils soient simplement construits comme des symboles. Alors, cette entrée relativement tardive, d'après Noiriel à ce moment-là, de la question des mémoires, en vérité, elle aussi, elle va être ensuite très rapidement comblée. C'est-à-dire que dans les années qui vont suivre, notamment les années 90 et 2000, donc les 20 dernières années, en fait, on va avoir une montée en puissance considérable des demandes mémorielles par rapport aux questions de l'immigration. Alors, je rappelle juste pour mémoire, justement, et on pourra y revenir dans le débat si vous avez des questions, quelques jalons de ce processus: les mobilisations autour de la mémoire du 17 octobre 1961, hein, qui a servi de point vraiment d'ancrage à une mémoire de l'immigration algérienne, de la guerre d'Algérie, bien sûr, et aussi de l'occultation des pages troubles du passé français par rapport à l'immigration. C'est un peu cristallisé, ces enjeux-là. La question des mobilisations sociales des harkis et de leurs demandes mémorielles aussi, avec un dépôt de plainte pour finir pour crimes contre l'humanité, complicité de crimes contre l'humanité, qui n'a pas abouti, mais enfin, les revendications des anciens combattants coloniaux aussi, qui ont joué un rôle, d'abord du côté vraiment de la démarche judiciaire proprement dite, avec le tribunal des pensions de Bordeaux, et finalement, ensuite, plus largement, avec des questionnements sur leur place dans l'histoire de la France, la redécouverte entre guillemets du massacre des tirailleurs sénégalais des Tiaroy, et pour finir, enfin pour finir, c'est une mauvaise expression, ça ne finit jamais, mais comme vraiment point d'orgue, le film indigène finalement en 2006, la réaction du président Chirac, etc., etc. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce film de Missing, l'ouverture d'un mémorial aux soldats musulmans à Verdun aussi en 2006, etc. Dans le même temps, il y a eu une mobilisation du côté, je dirais, des groupes militants, des milieux sociaux issus des immigrations, en particulier immigrations maghrébines, africaines et autres, autour des questions de mémoire. Alors, avant tout, ce n'était pas un questionnement sur la mémoire. Hein. On peut remonter jusqu'aux marches pour l'égalité de 83 et 84, faussement connue comme marche des beurs, ce qui est déjà une manière de les tourner vers quelque chose de communautariste, alors qu'au début, c'était une réclamation de plein droit, de citoyenneté, hein, d'où un espèce d'effet de décalage et d'incompréhension entre la société française qui a médiatisé et reconstruit a posteriori ces marches et l'expérience vécue de ceux qui les avaient portées. Bref, dès ce moment-là, il y a eu quantité de mobilisation dans ces milieux-là, je ne vais pas détailler, mais vers la fin des années 90, certains diront avant, on peut après détailler l'analyse, mais de façon visible, en tout cas vers la fin des années 90, il y a eu souvent des discours qui ont été portés aussi par des enjeux de mémoire. Je veux dire, des discours qui étaient avant tout des demandes sociales, des demandes d'égalité sociale, de droits, de citoyenneté, contre les discriminations, etc. Mais où l'histoire venait, et la mémoire du passé venait pour faire levier sur ces demandes-là. Et c'est là que c'est noué un peu l'enjeu aussi postcolonial, même si ce terme n'était pas utilisé forcément au début. Je passe un peu vite. Alors, parmi les choses qui sont nouées à ce moment-là et qui sont parfois un peu difficiles à comprendre quand on ne prend pas en compte justement les systèmes de représentation des acteurs eux-mêmes, c'est le fait que un lien a été établi entre la situation présente d'un certain nombre de populations issues des immigrations les plus récentes et un passé à la fois colonial et le passé de l'esclavage, en fait. Il y a eu une sorte de rencontre entre ces mémoires-là, les mémoires post-esclavage, touchant des gens qui pouvaient être français, hein, comme les Antillais, par exemple, et des gens qui pouvaient être aussi étrangers, et puis les migrations issues de territoires qui ont été colonisés et que, dans le langage médiatique, on en est venu parfois appeler des migrations postcoloniales, ce qui est un terme en partie abusif, puisque certaines d'entre elles ont commencé très largement pendant la colonisation elle-même, finalement. Mais donc, on a établi une sorte de lien sur les enjeux mémoriels entre ces différentes catégories de population et ces différents types de passés. Donc, dans ce cadre-là, un certain nombre d'associations ont joué un rôle très important. Hein, au nom de la mémoire, par exemple, qui a fait ressurgir le passé du 17 octobre, des associations comme Générique, etc., qui ont porté finalement la question de la mémoire, qui ont construit la question de la mémoire comme un enjeu pour le présent et qui ont interpellé les historiens finalement dans leur pratique. Renvoyant aux historiens le fait qu'un certain nombre de sujets n'avaient pas été traités, pas assez traités, ou en tout cas qu'un certain nombre d'héritages n'étaient pas suffisamment déconstruits, et que donc les historiens se contenteraient de faire une histoire un peu lénifiante, finalement, en n'abordant pas ce qui pouvait faire problème. Alors, juste pour rafraîchir la temporalité de tout ça, hein, sur les mémoires de l'esclavage, c'est vraiment monté en puissance après la commémoration des 150 ans de l'abolition en 1998. Hein, c'est vraiment là qu'il y a eu une espèce de temps fort. Et ça a fini d'ailleurs par cristalliser la visibilité, enfin, à rendre visible le fait qu'il y avait en France désormais une minorité noire, hein, c'est Pam Diaye qui a magistralement écrit là-dessus, qu'il y avait en France désormais une minorité noire qui en tout cas pouvait se penser comme telle et donc poser un certain nombre de questions un peu différentes par rapport au schéma républicain et parfois à l'impensé républicain aussi, le fait que la République française n'est pas blanche et ne l'a pas été dans l'histoire depuis très longtemps, mais que voilà, l'espèce d'impensé collectif était de ce côté-là. Donc Abdia y a bien expliqué qu'être noir, c'est un fait social, en tout cas c'est comme ça que lui l'analyse, et que nous aussi, que ça peut nous intéresser, qu'en France, ce n'est en rien une communauté, bien sûr, parce que mêlant des individus ayant des vécus, des origines, des religions, des, etc., très différentes, mais par contre, c'est bien une minorité au sein d'une société dominante qui est blanche et qui s'est plutôt pensée et construite comme telle. Bon, alors toute cette longue introduction, oh là là, il faut que j'accélère vraiment, m'amène juste à replonger donc dans moi ma petite expérience dont je me suis éloignée pour reparler de ce choc des mémoires et polémique de l'année 2005. Ça a vraiment été considérable. Ce matin, Christian, tu commences à me faire des signes qu'il faut que j'abrège, d'accord. Attends, 10 minutes. Tu n'as pas commencé encore. Donc, juste pour rappeler, parce que Christian Delacroix en reparlait un peu ce matin, mais quand même... Stéphane Dufoy, dans un article là, de 2006 aussi, les historiens et les mnémographes, je crois que ça s'appelle, a refait vraiment l'énumération factuelle de ce qui s'était succédé. C'est vrai que c'est ébouriffant. Hein, depuis l'appel des indigènes de la République, ce pamphlet lancé sur Internet en janvier, la loi du 23 février, ça, j'y reviens pas, et les débats que ça a occasionné chez les historiens. Il y a eu aussi, c'était le cinquantenaire des massacres de Sétif, hein, en mai 45. Donc là, il y a eu aussi des échos dans la société civile et auprès des historiens très complexes. Il y a eu des provocations de l'humoriste de Dieudonné qui préparait un film sur la traite et qui a fait des propos sur la Shoah, la mémoire de l'esclavage versus la mémoire de la Shoah. Il y a eu des polémiques autour d'un appel contre le racisme anti-blanc lors des manifestations lycéennes de mars, hein, lancées par un certain nombre de personnalités. Ensuite, il y a eu l'épisode des émeutes urbaines, bien sûr, avec, entre autres, le débat sur la polygamie qui anticipait des débats plus récents sur le fait culturel. Et voilà. Une tribune, entre autres, mais juste pour voir combien les titres ont été, enfin, étaient dans la nuance à cette époque-là. La République blanche, c'est fini, publié dans Libération. Le collectif... des Antillais guyanais réunionnais qui ont poussé un coup de gueule lors des commémorations d'Austerlitz par rapport au crime de Napoléon, c'est-à-dire le fait d'avoir restauré l'esclavage dans les colonies françaises. Bon, bref, voilà. Dans ce brouhaha-là, moi, j'ai été recrutée à Framespa, sortant un peu de nulle part parce qu'il y avait quand même eu un grand trou depuis ma thèse. Sur un poste, alors que certains, même dans le monde académique, disaient l'histoire de l'immigration est extrêmement marginale, il n'y a jamais rien pour ça, ça fait partie des histoires taboues, comme l'histoire des colonies d'ailleurs, etc. Moi, j'ai été recrutée sur un poste fléché, histoire de l'immigration. C'est Patrick Cabanel qui avait rédigé, j'aurais dû ramener le petit papier, mais bon, de toute façon, je n'aurais pas eu le temps de vous le lire. Bref, et immédiatement, ça a été le grand bain. Parce qu'il a fallu que je m'interroge sur le fait de participer ou pas à ce qui était un peu l'entreprise éditoriale grand public dominante menée à cette époque-là par la Chac. Ça a donné lieu à cet ouvrage « Sud-Ouest, porte des Outre-mer » auquel finalement j'ai collaboré. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas simple parce que, si tu t'en souviens, Colette, nous avions à ce moment-là le projet de faire un ouvrage à diaspora, un peu ouvrage... Voilà, bon, j'étais recrutée pour quelque chose que je n'ai pas fait, en fait, la discutante commence déjà à le dire, mais non, il y avait le projet de faire une sorte d'ouvrage un peu de synthèse s'appuyant sur les forces de notre laboratoire diaspora à l'époque, sur justement l'histoire de l'immigration, une histoire qu'on voulait conformément à ce qu'était l'histoire même de ce laboratoire et sa particularité, que nous voulions dans le temps long, dans une approche comparatiste, avec des regards croisés historiens du temps long, donc jusqu'au Moyen-Âge, et des sociologues, probablement même, sur toutes les immigrations, toutes les vagues migratoires, pour, voilà, croiser un regard. Mais l'ère du temps et les financements publics, et ce qu'on adressait au grand public à ce moment-là, ça a été ça, c'est-à-dire quelque chose qui surfait étroitement sur cette vague du post-colonial. C'est la même année où la Chac a publié aussi La fracture coloniale, donc ouvrage qui a pour postulat que le fait colonial a produit une telle césure et porteur de telles spécificités que, en tout cas dans le champ de l'histoire des migrations, ça occasionne une différence assez radicale entre des migrants qui relèvent de pays qui ont été colonisés et ceux qui n'en relèvent pas finalement. Hein. Et, Et je dois dire que j'ai fini par plier, c'est-à-dire je me suis ralliée à, non pas à cette cause, mais en tout cas à cette possibilité d'écrire là-dedans, qui est un ouvrage, alors là aussi, ça, bon, écriture de l'histoire, l'écriture de l'histoire en matière de vulgarisation, ce que je voulais aborder là, mais je me rends compte que j'ai déjà plus le temps d'aborder ce que je voulais. Là, c'est un ouvrage qui aborde les choses par l'image. Le poids des mots, le choc des photos, mais là, c'est vraiment le choc des photos. Donc, le travail iconographique est formidable. Il y a des images totalement inédites qui ont été sorties. C'est un livre, moi, auquel je reconnais le fait de, voilà, de mettre sur la table, parce que c'est un livre, un beau livre pour la table des salons, de mettre sur la table un certain nombre de faits, de questions, d'images, de propos, mais en même temps, de ne pas forcément déconstruire alors qu'il en a la prétention totalement les choses, parce que l'image prime là-dessus. Moi, j'ai écrit un chapitre dans cet ouvrage sur l'entre-deux-guerres. Hein, donc, quelles sont les représentations des étrangers venus des Suds et de l'univers des Suds, ce qui est déjà bon, un concept qui n'en est pas, hein, ici dans la région du Sud-Ouest. Je l'ai co-rédigé avec Patrick Veglia, qui est aussi un étudiant de la Borie et qui est un monstre de, comment dire, de rigueur, hein, et de méticulosité intellectuelle, et on s'est beaucoup interrogé pour faire notre petit texte, à savoir comment pondérer les photos, comment faire un contrepoint aux photos, parce que quand on allait voir dans la presse, certes ces photos d'époque sur les expos coloniales, etc., elles existaient, elles ont beaucoup circulé, mais si vous reprenez la dépêche de l'époque, finalement l'intérêt va aller plutôt à l'invention du plexiglas, les fêtes à Véronèse qu'il y avait lors de l'expo coloniale, les quantités de choses, etc. Bon. Mais ce contrepoint, je crois qu'il ne peut pas passer dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est un cadre qui écrase tout. Et le langage qu'on veut porter, aussi complexe soit-il, finalement, ne passe pas. Bon. Alors ça, c'était un premier instant de mon expérience. Si j'ai encore 5 minutes, je voulais en... Mais il manque un conférencier, non? Je peux récupérer c'est les négociations du bout des graves. Bon, bref. Alors, malgré tout, je ne regrette pas cette expérience, parce que ensuite, dans cette équipe de nombreux auteurs, puisque ces livres ont été déclinés dans chaque région de France ou presque, ensuite, il y a eu un coffret beau livre qui faisait 8 kilos et qui a été envoyé grâce au financement de l'accès d'un organisme parapublic à toutes les préfectures de France pour faire mémoire, justement. Donc, je pense qu'on l'a porté en brouette dans toutes les préfectures ou médiathèques de France. Et comme j'étais invitée souvent, bon, voilà, dans les trucs de lancement qui en ont découlé, des colloques dans les conseils régionaux ou à la Cité nationale sur la migration, mon rôle, en fait, était toujours de faire un peu le contrepoint à ce tout colonial pour dire oui, mais il peut aussi y avoir des expériences partagées. Il est aussi intéressant de prendre les migrations comme un processus, des phénomènes où on peut comparer des choses. Et finalement, même en étant un historien engagé, c'est-à-dire soucieux de ce que son discours peut actionner dans l'univers social, comment il peut être pris, repris, contredit, etc., cette approche-là, ne plaçant pas tout du côté du colonial, elle peut être aussi libératrice peut-être pour ces populations-là. C'est-à-dire c'est une manière différente mais partagée de voir les choses. Et voilà. Bon. Alors, deuxième type d'expérience très différente mais qui me pose aussi beaucoup de questions. À la base, la thèse que j'ai faite avec Pierre Laborie, c'était donc une thèse, comme tout le monde le dit, sur les Italiens du Sud-Ouest. C'est vrai. Mais Pierre, si tu t'en souviens, et moi en tout cas je m'en souviens, au début ce qui m'intéressait, et si je t'ai choisi comme prof, c'était pas du tout pour ça, tu n'étais d'ailleurs pas du tout spécialisé sur l'immigration, tu l'es toujours pas, c'était une histoire des représentations sociales et une histoire culturelle finalement et de l'opinion publique. Donc dès le début il y a eu Maldonne, dans ma carrière, car après j'ai été recrutée, maintenant je suis invitée dans des colloques, j'écris, etc. sur l'immigration, mais mon grand rêve c'est de revenir à l'histoire culturelle des représentations. Et il y a eu Maldonne aussi dans l'image reçue de moi dans le public, parce que, voilà, je suis aux yeux des gens l'historienne des Italiens du Sud-Ouest. Alors, le malentendu est renforcé du fait que je ne suis pas italienne moi-même, il n'y a aucune quête de racines dans ma... Et on me le renvoie toujours, parce que petite, brune, parlant avec les mains, je ne suis pas italienne, mais... Et alors, on me le renvoie de manière... Je savais que ma prestation aurait un côté comique, mais c'est assez... C'est de l'ironie dirigée vers moi, mais on me le renvoie soit d'une manière étonnée, soit d'une manière vraiment critique est durement critique. La première conférence publique que j'ai donnée après la publication de mon livre aux presses universitaires du Mirail, un grand type, un notable de la communauté italienne de Toulouse, en tout cas je dis la communauté parce que lui se voyait comme un notable représentant de cette communauté qui en fait n'existe pas, et est venu me dire « Mais vous n'êtes pas italienne vous-même ?»« Bien non, mais alors vous n'avez rien à dire sur ce sujet. » Donc, bon, c'est... Et alors, dans ce domaine-là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est pas simple non plus de se voir reconnu à toute petite échelle, hein, comme l'historienne d'une communauté, d'une fausse communauté, qui plus est régionale, enfin le sud-ouest, les Italiens du sud-ouest, c'est pas grand-chose. Mais c'est la médiatisation qui a pesé sur moi encore. Alors j'ai pas mené mon book avec des articles tout à fait dérisoires parfois d'une édition locale, de la Dépêche, dans tel département, disant que la communauté de Toulouse, la communauté italienne de Decazeville retrouve ses racines parce que l'hortelière vient faire une conférence. Mais c'est parfois dur à porter. Il y a aussi des exemples comme Pierre Laborie est accablé. Il n'a rien à assumer de ce que je dis aujourd'hui. Campagne 47, donc le journal de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, qui m'avait demandé un papier sur l'immigration italienne. Ce que j'ai fait bien volontiers, car c'est vrai qu'il y a une singularité tout à fait particulière à cette immigration paysanne, fortement enracinée. Ça, je pourrais vous en parler très très longtemps. Mais... à partir du moment où on accepte ce genre de sollicitation, il y a tout de suite de nouveaux malentendus. Et mon papier a été entouré par une sorte d'introduction rédigée par ce journal qui intégrait au dossier sur les immigrés d'un jour, paysans de toujours, les rapatriés. Donc ça m'a valu des mails farouches de descendants de rapatriés me disant « Comment une universitaire, vous ne maîtrisez même pas les concepts de base, les rapatriés ne sont pas des immigrés, etc. etc. » Alors, dans ce domaine-là, je dirais que mon expérience la plus, je crois, intéressante par rapport au débat qu'on pourrait avoir, c'est justement cette question de la vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, un peu par le hasard des circonstances, autour de ce pivot identitaire qui est pour moi l'histoire des migrations italiennes, de mener une expérience au long cours de vulgarisation à travers la revue Radici. Alors, je suis mal organisée, je croyais que j'en avais dans mon bureau, c'est vous dire comme je ne la collectionne pas, mais j'ai son équivalent en espagnol, la revue Raíces. En fait, si vous voulez, il se trouve que par des hasards de la vie, j'ai rencontré au moment un journaliste italien qui s'appelle Rocco Femia en 2002, quand il avait l'intention de lancer une revue grand public pour finalement se trouver à vivre, hein, pour réussir dans la vie, pour arriver à faire quelque chose qui marche, sur la langue, actualité, culture et langue italienne. Donc c'est exactement le même type de magazine, mais pour les Italiens. Au début, c'était rien. On a démarré moins que rien. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas de boulot, j'ai travaillé bénévolement. Ça a démarré comme un petit bulletin de rien du tout. C'est maintenant une belle revue qui a fait sa place dans le paysage éditorial français, qui est même devenue une maison d'édition. Pour dire comme c'est sérieux, finalement, Philippe Faureau y écrit aussi dans les pages Civilisation italienne. Non, mais voilà, pour relever un peu le niveau. Et donc moi, depuis les origines, j'assume dans cette revue la direction d'une rubrique qui est consacrée à l'émigration italienne, à l'histoire de l'émigration italienne. Au début, je faisais tout. Comme j'étais au chômage, j'avais du temps. Je faisais la PAO, la maquette, et puis des petits articles. Mais évidemment, très vite, mon objectif a été tout autre. Ça a été d'en faire une sorte d'interface où je pouvais un peu dominer la manière dont les historiens académiques, les universitaires pouvaient prendre la parole et proposer au grand lectorat, mais alors là, pour le coup, le très grand lectorat, hein, c'est-à-dire des gens qui, pour certains, n'ont pas forcément fait d'études, sont dans une quête mémorielle, identitaire, etc., pouvaient proposer une vulgarisation bien pensée et surtout bien mise en forme de leurs travaux. Et j'avoue que ça, c'est une expérience qui a été extrêmement intéressante, hein, tout en, évidemment, en donnant lieu à tout moment à des ambivalences, à parfois un peu des conflits, hein, parce que, évidemment, mon premier article avait été titré « L'épopée de l'immigration italienne ». Donc moi, j'avais dit « Non, Rocco, ce n'est pas une épopée, il n'y a pas forcément besoin de magnifier comme ça une histoire pour qu'elle intéresse le lectorat, etc. » Ce genre de débats ont été, en fait, constants, hein, et le sont encore aujourd'hui. Alors, je n'ai pas emmené notre grande œuvre de l'année, mais c'est vrai que j'aurais dû, c'est un beau livre qu'on a publié cette année, qui s'appelle italien 150 ans d'émigration qu'on a donc publié pour surfer, parce qu'il y a toujours des enjeux marketing dès qu'on travaille pour le privé finalement avec des entreprises. Une minute, oui. trouver une conclusion ouverte. Ah, trouver une conclusion ouverte. Alors, trouver une conclusion ouverte. trouver une conclusion ouverte, je vais récupérer mon papier. La conclusion, c'est que moi, je pense que l'historien, effectivement, dans ce souci de la transmission et cette nécessité de toute façon de répondre aujourd'hui à des demandes, par rapport à ce qu'on fait nous dans notre sphère académique, le discours qu'on tient et ce qui nous légitime à tenir ce type de discours, je crois que ces questionnements-là, on ne peut pas les évacuer, on ne peut pas ne pas y répondre du tout. Moi, une des manières que j'ai trouvées pour y répondre, c'est de me prêter au jeu de collaborations extra-académiques assez larges, qui parfois peuvent être des... Si ce n'est des échecs, en tout cas des choses qui me laissent un certain sentiment d'insatisfaction, parce que je n'ai pas l'impression de maîtriser assez ce qui s'y passe et la forme que ça prend au final, mais qui, de temps en temps, sont aussi de très très belles réussites. Alors, au titre des très très belles réussites, ce bouquin, par exemple, publié finalement au Rouergue, qui est un travail de 4 ans, fait avec des photographes professionnels, des radios locales pour recueillir des témoignages et moi un peu comme experte et puis donnant la main et réfléchissant finalement à l'articulation de tout ça et des documentaristes sonores pour finir. Il est décliné aussi sous forme d'une exposition qu'on a vraiment maîtrisée et qui est désormais un support qui circule dans les territoires, c'est consacré surtout à Midi-Pyrénées mais en vérité ça dépasse largement ce cas. Un support qui permet d'amener aussi un discours historique sur le terrain. Parce que quand on a un bel ouvrage comme ça, des partenariats multiples et une exposition, c'est beaucoup plus facile finalement pour aller chercher certains publics qu'on ne toucherait jamais avec nos livres d'histoire à nous. Voilà, mais ça demande beaucoup d'investissement et on n'est pas toujours sûr que ça va bien se passer. Là, il y a eu une conjonction assez extraordinaire de gens avec qui ça s'est bien passé. Et je dirais que personnellement, ce qu'on peut retirer aussi de ce genre de partenariat, c'est une sorte d'acculturation réciproque, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre d'associations ou d'acteurs culturels de terrain en midi toulousain, je dirais, maintenant on a un vrai compagnonnage. Un compagnonnage, ça ne veut pas dire qu'on, à un certain moment, hop, sur une action ponctuelle, on va se retrouver à la même table ou la même soirée pour parler de quelque chose. Non, c'est que finalement, on est capable de monter des fois des dispositifs ou des projets qu'on co-construit ensemble, avec d'un côté les historiens et de l'autre d'autres personnes venant d'autres champs, et qu'on apprend beaucoup à cette chose-là. Mais bon, c'est... Voilà. Bon, pardon d'avoir été si longue et si... Merci beaucoup. Merci.